Parle du jour où dispersés, nous reviendrons à toi de tout notre cœur. Tu promets de nous rassembler encore, de guérir nos terres et nos peurs. Tu dis que ta parole n'est pas loin, ni dans le ciel, ni au-delà des mers. Elle est tout près, dans notre bouche, dans notre cœur, prêt à la laisser faire. Alors tu poses devant nous un choix que personne ne peut prendre à notre place. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction. De tout notre cœur, de toute notre vie. Tu dis que tu es notre Dieu, que tu veux nous planter et nous garder. Que l'obéissance n'est pas une chaîne, mais la route la plus libre pour avancer. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction. Choisis-moi.